Kanyangi. Anselme Irambona sur la mise en onde. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition, la dernière de ce 3 décembre. En voici les grands titres. Le parti CNL trouve que la décision suspendant les activités de son parti politique n'est plus en vigueur depuis le 3 décembre de cette année. Vous entendrez l'honorable Agathon Gwasa, président de ce parti, en début de cette édition. En province Bubanza, les enseignants bénévoles de la commune Manda apprécient positivement les changements opérés par les responsables scolaires, leur donnant actuellement leur prime d'encouragement par mois à l'école même. Dans cette édition, on se rendra également en province Bururi pour parler des cas d'accidents de roulage qui ont emporté la vie de 4 personnes et 30 blessés au cours de ces 3 derniers mois. Dans cette édition, on reviendra également sur les demandes de l'Union burundaise des personnes vivant avec handicap, étant donné que le 3 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux personnes handicapées. Rebonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le président du parti CNL trouve que la décision suspendant les activités de son parti n'est plus en vigueur depuis le 1er décembre. Lors d'une conférence de presse de ce dimanche, le président de ce parti a dit se référer à la linéa 2 de l'article 62 de la loi régissant les partis politiques au Burundi. Honorable Agathon Rwasa indique que son parti va continuer à se préparer pour les prochaines élections en respectant la loi régissant les partis politiques et celle de la nouvelle délimitation des provinces du Burundi. Suivez. Nous n'avons cessé pendant toute la période de 6 mois que viennent de durer les dites sanctions, démontrer clairement comment ces sanctions étaient irrégulières, abusives, injustes et arbitraires, et avons chaque fois demandé leur annulation, mais l'autorité ministérielle s'est murée dans un silence inédit. Le parti CNL a pris acte de ce silence et, dans ses démarches et patience, a compris en toute évidence que c'était pour entrer dans la logique de l'alinéa 2 de la loi régissant les partis politiques au Burundi, qui dispose que, je cite, « la mesure de suspension et de fermeture des locaux ne peut excéder 6 mois ». Le parti CNR prend acte et précise que les sanctions prises irrégulièrement, abusivement, injustement et arbitrairement à son encontre par le ministre de l'Intérieur, en date du 2 juin 2023, ont pris fin le 1er décembre 2023, conformément à la prescription de l'alinéa 2 précité de l'article 62 de la loi régissant les partis politiques au Burundi. Le parti CNR comprend donc qu'au-delà de cette période, il est temps de vaquer librement et normalement à ses activités, comme c'était le cas avant les dites sanctions. Le parti CNR saisit la présente occasion pour remercier les Inyangamugayo, membres du parti et sympathisants, pour la conduite exemplaire de retenue, la bravoure et la patience dont ils ont fait preuve durant les pires moments vécus pendant cette période sombre. Au gouvernement et surtout au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, d'assurer l'ordre, la tranquillité, la liberté de réunion et de rassemblement des partis politiques sans discriminer aucun parti politique, de laisser le parti CNR s'organiser librement dans ses diverses activités et cesser son immixtion dans les affaires internes du parti. Aux Inyangamugayo, membres du parti CNR, devraient main dans la main et avancer sereinement vers les échéances électorales tout en restant vigilants, car les détracteurs du parti n'ont pas encore abandonné leurs projets insensés de destruction du parti. Honorable Agathon Rwasa, président du parti CNL, même si le président de ce parti CNL ne se soit référé à cet article, à l'alinéa 2 de l'article 62 de la loi régissant les partis politiques au Burundi, le ministre Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, affirme qu'il n'a pas du tout adressé de correspondance au président du parti CNL ayant pour objet la reprise des activités. S'il a un tel document qu'il exhibe, poursuit le ministre Niteretse. Et l'Union burundaise des personnes vivant avec handicap, UPHB, demande à l'État que les statistiques relatives à ces personnes soient enregistrées et connues lors du prochain recensement Alexis Hatungimana, président de ce collectif, le dit au moment le 3 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Il regrette toutefois que certaines infrastructures ne tiennent pas compte du handicap et appelle ces personnes, surtout les adultes, à développer l'estime de soi suivie. Bien que les personnes handicapées représentent plus d'un milliard de personnes handicapées au monde, leurs conditions de vie demeurent largement méconnues. Malgré les efforts consentis depuis les 50 dernières années, cette population constitue encore aujourd'hui la minorité des plus invisibles, particulièrement dans les pays en voie de développement. Parmi ce nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, les personnes handicapées restent une préoccupation majeure qui partage notre humanité et s'insère dans la société où nous vivons. Car de nos jours, des hommes et des femmes, simplement victimes d'une déficience motrice, sensorielle ou mentale, souffrent de marginalisation, d'exclusion, d'abandon, d'injustice sociale, etc. D'organiser des séances de mobilisation afin d'inciter les personnes vivant avec un handicap d'entreprendre des activités génératrices de revenus, d'organiser des séances de promouvoir le développement inclusif dans tous les secteurs, de promouvoir la participation des personnes handicapées dans les services publics et privés, et aux personnes handicapées elles-mêmes de développer l'estime de soi partout où elles sont, d'apprendre des métiers favorables à leur type de handicap, surtout les adultes. À côté de cela, d'autres préalables sont envisageables à la naissance. Et à la découverte de son handicap, il faut que l'enfant détecté comme présentant un handicap ait le nom valorisant et non le nom calqué à son type de handicap et qu'il y soit inscrit au registre de l'état civil et avoir le droit au vaccin et autres soins de santé, d'éducation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons agriculture à 18h07 dans le studio de la radio Isanganiro. Plus de 200 hectares de palmeraies sont inondés dans les marais des rivières Murembwe ou Zimba en province Lumonge en cette saison de forte pluviométrie. Déclaration de la direction du bureau provincial ayant l'agriculture dans ses attributions. Les cultivateurs indiquent qu'ils enregistrent de grosses pertes, ce qui engendre la montée des prix de l'huile de palme sur le marché. De son côté, Jean-Claude Wigilimana, technicien agronome au sein de l'Office de l'huile de palme OHP, explique que des appels à la protection des rivières menaçant cette culture lors du débordement et la stratégie utilisée pour la protéger. Le point avec Omer Douayo. Les champs les plus touchés sont ceux des marais de haut et bas de la rivière Murembwe, côtoyant la route vers Nyanzarak. C'est sur une longueur d'au moins 400 mètres vers cette rivière. Le palmier à huile planté le long de Murembwe sont dans le chaos. On dirait que ces champs sont dans un terrain creux où l'eau reste stagnante au lieu de se filtrer dans le sous-sol. Lorsqu'il y pleut, la rivière déborde et se déverse dans les palmeraies. De l'autre côté, les palmiers plantés près de la rivière Buzimba sont souvent emportés par les eaux de cette rivière à destination du lac Tanganyika. De grosses pertes sont souvent enregistrées, indique le cultivateur. Moi, j'ai perdu à peu près 20 palmiers à huile, s'estimant à environ 20 millions de francs burundais. Ils sont emportés par les inondations vers le lac Tanganyika. Il vaudrait mieux canaliser cette rivière. Chongera Jamari, directeur du bureau provincial de l'agriculture, signale que plus de 200 hectares de la palmeraie ont été emportés en cette période de forte pluviométrie. Ici, on avait une superficie de 50 hectares, mais actuellement, 15 hectares ont été emportés par les eaux de cette rivière Buzimba. En plus de cela, on a un marais dans notre province, le marais de Gatakwa, qui avait 200 hectares, mais actuellement, suite aux montées des eaux, 50 hectares ont été emportés. Ici, à Murembwe aussi, il y a eu débordement dans la palmeraie et dans d'autres communes de notre province. Ces effets existent aussi. Les communes les plus touchées, ce sont des communes dans lesquelles passent ces eaux qui se jettent dans le lac Tanganyika. Citons par exemple la commune de Lumonge, Bugarama et la commune de Muhuta. Des sensibilisations liées à la protection des rivières menaçant le palmier à huile sont souvent faites aux cultivateurs pour la protection de cette culture, dit Jean-Claude Bigirimana, technicien agronome chez l'Office de l'huile de palme OHP. Un hectare compte 135 palmiers à huile. La récolte dans un hectare s'élève à 15 tonnes. tonnes. Un kilo coûte 700 francs burundais. Prenez 15 tonnes par hectare, multipliez par 700 francs burundais par kilo. Vous comprenez que le gouvernement perd 10 500 000 francs burundais. Nous interpellons les cultivateurs à protéger ces rivières qui envahissent les champs. La province de Rumonge compte un espace où l'agriculture du palmier à huile est très pratiquée au Burundi. Du sud en province Lumonge, rendons-nous en province Gitega, c'est au centre du pays pour parler encore agriculture. Les agriculteurs de Gitega, dont les champs de culture sont en train d'être ravagés par un type d'escargot appelé mollusque, demandent que soient rendus disponibles des médicaments appropriés pour les combattre chimiquement. Le conseiller chargé de la surveillance et intervention phytosanitaire à la direction de la protection des végétaux indique qu'actuellement il n'y a pas de médicaments contre ces escargots et conseille aux agriculteurs d'utiliser la méthode mécanique consistant à les ramasser et les enfouir dans le sol après avoir appliqué les produits pouvant les tuer, tels le cendre, le sel de cuisine ou le savon. Gérard Nibigira. Selon les agriculteurs de Gitega contactés, des types d'escargots ravagent leurs champs de différentes cultures, que ce soit le haricot, le maïs, les légumes, la patate douce et la pomme de terre. Ils ajoutent qu'ils les ramassent et les détruisent tous les jours, mais qu'ils ne finissent pas. De son côté, le conseiller chargé de la surveillance et intervention phytosanitaire à la direction de la protection des végétaux du ministère en charge de l'agriculture, Egide Hatungimana, indique qu'il n'y a pas maintenant de produits phytosanitaire pour tuer ces escargots. On recommande d'utiliser un produit méthardéide, c'est un produit de synthèse qui tue les escargots par déshydratation. Mais actuellement, il y a un petit rupture ici, mais le marché est rincé, le ministère est très au courant. D'ici deux semaines, le produit sera disponible ici et mis à la disposition des agriculteurs qui en ont besoin. Donc, il propose aux agriculteurs d'utiliser la méthode mécanique pour les combattre. Les méthodes recommandées, c'est toujours dégager les environs des champs et entretenir les champs. Une autre méthode, après le dégagement de ces mauvaises herbes qui entourent les champs, on recommande aux agriculteurs de ramasser mécaniquement les escargots très tôt le matin ou le soir et puis de les entasser dans les sacs et puis de mélanger avec la cendre ou mélanger avec du sel ou avec du savon au moins et puis de enterrer dans un fossé creusé hors du champ pour éviter d'apprivoiser des autres maladies hygiéniques. Cependant, les agriculteurs indiquent que ces escargots ne finissent pas, même s'ils les ramassent tous les jours. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Parlons sécurité à présent. 17 cas d'accidents de roulage qui ont emporté la vie de 4 personnes et 30 blessés ont été enregistrés au commissariat provincial de la police à Bururi au cours de ces 3 derniers mois. L'excès de vitesse et l'ivresse des conducteurs sont parmi les causes de ces accidents. Colonel de police Dieudonné Maniragaba, commissaire principal de la police à Bururi, appelle les conducteurs à respecter le code de la route, surtout pendant les prochaines fêtes de fin d'année où ces cas d'accidents se sont multipliés les années antérieures. Le point avec Zénon Nzambimana. Selon les données en provenance du commissariat provincial de la police à Bururi, 17 cas d'accidents de roulage ont été enregistrés depuis le mois de septembre de cette année. 4 personnes mortes, 30 grièvement blessées, c'est le bilan de ces accidents qui s'observent surtout sur la route nationale numéro 7 dans les communes Mugamba, Matana et Rutovu. Les sources policières indiquent que l'excès de vitesse, l'ivresse au volant, les défauts de malvoyance sont parmi les principales causes de ces accidents. À cela s'ajoute le surnombre des passagers qui s'observent surtout chez les conducteurs des motos qui peuvent même transporter plus de 3 personnes après avoir traversé les positions de la police de roulage de peur d'être puni. Ce dernier cas a été même évoqué jeudi dernier dans une réunion de sécurité organisée par le cabinet du gouverneur de la province de Bururi. Au cours de cette réunion, les participants ont appelé la population de la province de Bururi à dénoncer tous ces cas de surnombre dans les véhicules assurant le transport en commun. Ils ont également proposé qu'il y ait des sanctions contre celui qui accepte d'être ajouté pour faire le surnombre. Colonel de police Emmanuel Gabadiodonné, commissaire provincial de la police à Bururi, appelle les conducteurs des véhicules à respecter le code de la route en évitant surtout l'excès de vitesse et l'ivresse au volant pour protéger la vie de leurs clients, surtout pendant ces prochaines fêtes de fin d'année. Depuis Bururi, Zenon Zambimara pour la radio Isanganiro. De Bururi, rendons en province de Bubanza où les enseignants bénévoles de la commune Emanda perçoivent actuellement leur prime d'encouragement par mois à l'école même, alors qu'auparavant il fallait attendre les virements au fonds d'appui à la promotion de l'éducation en commune Emanda. Ils disent cependant qu'en mois d'arriéré qui n'ont pas touché l'année passée leur soit payé, ce que reconnaissent même les responsables de la direction communale de l'enseignement Emanda, nous dit Spescaritas Kavanyana. Les enseignants bénévoles que nous avons contactés dans cette commune nous ont signifié qu'ils sont contents des changements à propos de l'octroi de leur prime d'encouragement. Auparavant, l'argent était collecté dans toutes les écoles et acheminé au FAPECOM, Fonds d'appui à la promotion de l'éducation en commune Emanda, et avec les contributions de la commune et d'autres bienfaiteurs comme les natifs, les primes d'encouragement des bénévoles étaient par après données aux ayants droit, ce qui prenait beaucoup de temps. Suite à toutes ces procédures, comme l'expliquent les enseignants bénévoles contactés, et qui déplorent le fait qu'ils n'ont pas encore touché les arriérés des mois qu'ils ont travaillé l'année passée. Actuellement, ils apprécient les changements. L'argent est collecté à l'école et payé à l'école même aux bénévoles, ce qui ne prend pas beaucoup de temps, et cela est également confirmé par les responsables scolaires à la direction communale de l'enseignement à Manda. Comme Vali Genera, conseiller chargé des ressources humaines, confirme que les primes d'encouragement des bénévoles sont actuellement données à l'école. Il tranquillise également et précise que les arriérés de l'année passée seront bientôt payés. Cette commune compte plus de 100 bénévoles selon la même source. Retour en province de Lumonge pour parler de ce don de 6 ordinateurs et leurs accessoires remis au lycée communal Nyamibu de la commune et province de Lumonge ce 2 décembre. L'association Mwigisha Wandeze Primaire, essentiellement composée des natifs de la colline Kizuka où est érigé ce lycée, d'y avoir remis ce don pour contribuer dans l'apprentissage du cours des techniques de l'information et de la communication qui était jusqu'ici théorique dans ce lycée dans les environs. La directrice communale de l'éducation à Lumonge salue cette initiative et voudrait qu'elle soit un exemple pour d'autres collines. Et le président du comité de gestion de l'école voudra aussi un appui du côté des infrastructures. Le point avec Jean-Pierre Misago. Ni imashine nyabwonko zitandatu. Ce don de machines ordinateurs a été remis au lycée communal Kizuka, mais c'est un don qui profitera à toutes les écoles des environs dans le cours des techniques de l'information et de la communication pour l'éducation, selon Félix Itoi, qui a remis ce don au nom de l'association dénommée Mwigisha Wandeze Primaire, ayant collecté l'argent pour l'achat de ce don. Tous ceux qui se sont exprimés ont salué ce don, qui permettra de ne plus se limiter seulement à la théorie, mais de passer à la pratique dans le cours des TIC. Benigne Ninunze, directrice communale de l'éducation de Lumonge, a également salué ce don et a appelé les enseignants et les élèves à en profiter pour évoluer avec la modernité. Kite Nirameba, président du comité de gestion de cette école, se réjouit également de ce don, mais abonnant dans le même sens que le directeur du lycée communal Nyamibu, il y a urgence de couvrir de nouvelles classes qui devraient abriter les élèves en cas de réhabilitation de certaines classes de cette école pouvant entraîner de graves accidents puisque déjà fissurées. Cette urgence concerne également les latrines dont la construction s'est arrêtée à mi-parcours, dit Tite Nirameba, qui voudrait une plaidoirie dans ce sens. Jean-Pierre Misago depuis Kizuka, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Et voilà, 18h20 dans le studio de la Radio Isanganiro. Point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Anselme Irambona qui a assuré la mise en onde. Très bonne soirée à tous au revoir. Mireille Kanyangi.